Ce monde n'est pas chez moi, et suis juste un passant, et mes trésors sont à quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel, et je ne me sens jamais comme chez moi. Dans ce monde, Seigneur, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte des cieux. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde, Seigneur, Seigneur. Tu sais, mon Dieu, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel ne te passe chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe d'après la porte des cieux. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Tous sont à mon attente. Tous sont à mon attente. C'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, je viens tout arranger. Bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Dans ce beau Seigneur, Seigneur, tu sais, mon Dieu, y a pas d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte des cieux. Je ne me sens jamais comme chez moi. Dans ce Seigneur, Seigneur, tu sais, Seigneur, il n'y a pas d'amis comme toi. Si le ciel ne te passe chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte des cieux. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Dans le pays des gloires. Dans le pays des gloires. Nous vivrons à jamais. Des tous côtés les saints crient victoire dans le champ. Dès la plus douce louange qui monte depuis le ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi, dans ce monde, Seigneur. Tu sais, Seigneur, il n'y a point d'amis comme toi. Et le ciel n'était pas chez moi, alors que ferais-je? Les anges me font signe depuis la porte des cieux. Que je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, Seigneur, tu sais, Seigneur, il n'y a pas d'amis comme toi. Si le ciel n'était pas chez moi, Alors que ferai-je, les anges me font signe de prier la permission. Et je ne me sens jamais comme ce monde dans ce monde. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous venons à toi au nom de Jésus-Christ. Bénir ton Saint-Nom et te glorifier, car tu es celui qui change les temps et les circonstances. Dans les vies individuelles et les vies communautaires, dans les vies des clans et les vies familiales, tu es le maître de l'univers. Gloire et louange te soient rendues pour tout ce que tu fais. Bien que des fois ça fait mal, mais tout est fait pour ta gloire. Tu es le Dieu souverain qui fait tout ce que tu veux. Il y a des péchés des humains, la crainte et la soumission, car c'est toi qui révèles ce qui est profond et caché. Nos vies dépendent de toi. Ne nous laisse jamais t'oublier, toi, notre Créateur, pour que nous t'ayons à cœur pour à tout instant. Accompagne nos esprits et nos cœurs. Exauce nos prières de ce soir. Et aussi conduit le moment de recueillement, le reste du temps qui nous reste ici, et aussi les pas de chacun de nous après ceci. Tu as dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lorsque nous devons plaire à Christ, nous ne cherchons pas à plaire aux hommes. Notre désir, c'est d'accomplir ta volonté. Où que nous allions, quoi que nous fassions, nous voulons chercher à te plaire, toi Seigneur. Conduis-nous pas à pas. Conduis tes enfants qui dépendent de toi. Et sois l'inspiration merveilleuse. Exhorte nos cœurs acquérir la sagesse de Dieu, à devenir prudent sur la terre, parce que nous sommes passagers, et que notre héritage est dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, console les cœurs affligés, particulièrement la famille Mukulmani, notre défunt frère Edouard, là à Glasgow. Et aussi nous tous qui sommes ici touchés par cet événement inopiné, départ de notre frère, soit notre consolation, Seigneur. Pense aussi à ceux de la famille Mbaï qui ont perdu un beau frère, ceux de la famille Mukulumani qui ont perdu un grand frère. Dieu console chacun. Au travers des disparités de la vie, dans la société, notre consolation, c'est toi. Tu es le bouclier, le grand rocher, l'invincible Dieu. Gloire et louange à toi, pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous prions. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu en guise de, d'exhortation ou de réflexion pour ce soir. Dans Ecclésiaste au chapitre 1er, nous trouvons là qu'il est écrit ceci, verset 4: une génération s'en va, une autre vient, que la terre subsiste toujours. Poète, libota moko bakolimo, pe libota mususu bakoya. Oui. Nde mokili ekoumela seko. Ok. Nous prenons le proverbe chapitre 24. Mukanda yamasese mukapo etukumi bana namine. À partir du verset 13 jusqu'au verset 22. Proverbe 24, verset 13 à 22. Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir. Et ton espérance ne sera pas anéantie. N'étant pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe de méchant s'éteint. Mon fils, prends l'Éternel et le roi, ne te mêle pas avec les hommes remuants, car soudain leur ruine surgira, et qui connaît les châtiments des uns et des autres? Mwananangai, liya mafuta na nzoi, nzambi izali malamu. Mpe ndako na mafuta na nzoi, mpe ete ekozala elengi na lolemo na yo. Yeba ete mayele ezali boye na molimo na yo. Wana ozwi yango ekozala na libonza. Elike na yo, ekokata mate. Yo moto mabe, lambela efandelo na mawenge benete. Bibi sandako na yepete, mpoete moyenge bene akukweya mbala sambo. Nde akotelema isusu. Kasi, bato mabe bakokweya libela na mubulu. Sepela te wana moyini na yo akokweya. Tika yete, yete motema na yo eyoka esengo wana ye akokata libaku. Akokata libaku. Yahwe amona yango te mpe azala mabe na miso na ye te mpe alongola kanda na ye epai na ye te. Zala na elongo na bato mabe te, lulela bato na masumu mpe te. Nzambi libonza ekozala epai na moto mabe te, mwenda na bato na masumu ekozimisama. Mwana nangai, tosa yawe mpe mokonzi. Zalanate na ba oyo, akobongaka bongwaka ndenge na ndenge. Mpe ete mpasi na bango ekobima mpwasa. Nani ayebi kobeba na bango mibale? Job, chapitre 1er, verset 20 à 22. Yobo mukapo ya yambo. Mulunga tukumi bale na tukumi bale na mi bale. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Yobo atelemaki, mpe apasolaki elama na ye, mpe akololaki moto na ye. Akweyaki na mabele mpe asanzolaki. Alobaki ete abibaki bolumbu. Na libulu na mama na ngai, na kozonga mpe bulumbu. Wana yawe apesaki, yawe asili kolongola. Nkombo na yawe esanzolama. Na kati na oyo nyonso asalaki lisumu te, mpe afundi nzambe na tina na mabete. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur. Bienvenue à cette méditation. Et que la gloire revienne à celui qui fait toutes choses. Vous voyez ce qui est arrivé dans la vie de Job. Et ce que l'Ecclésiaste a eu à constater aussi. Ce que le roi sage Salomon a eu à écrire. Tout ça, ce sont des leçons de la vie. Nous, les vivants, nous avons l'occasion d'apprendre encore des leçons de la vie. La vie est faite de plusieurs réalités. Le parcours sur terre est fait de plusieurs réalités. Dieu seul maîtrise tout. Il connaît la fin de tout avant que quoi que ce soit ne commence. Job est un homme juste et sage. Le roi Salomon qui a écrit les proverbes était un homme sage. Et l'Ecclésiaste Salomon c'était également un homme sage. Et grand observateur. Regardez, les trois qui avaient la sagesse, ou les deux personnes qui avaient la sagesse, dans différents rôles, nous avons lu des extraits, des écrits dont ils ont reçu l'inspiration en leur temps. Dans Ecclésiaste 1 au verset 4, l'Écriture dit qu'une génération s'en va et une autre vient. Mais la terre subsiste toujours. Une génération s'en va, une autre vient, mais la terre subsiste toujours. La terre, elle, ne va pas à chaque génération pour revenir à chaque génération, mais la terre demeure la terre telle que notre Dieu l'a fait faire et qu'elle demeure là, maintenue par la parole de Dieu. Mais les générations des humains, les habitants de la terre, qui viennent habiter sur la terre, se succèdent d'année en année, de siècle en siècle, de décennie en décennie. Une génération s'en va, une autre vient. Et la terre existe toujours. Et notre pensée de réflexion ce soir, c'est que les uns partent, les autres viennent. Et qui va la vie sur terre. Les uns partent, les autres viennent. Et qui va la vie sur terre. Les uns meurent, les autres naissent. Et si va la vie sur terre. Les uns tombent malades, les autres guérissent. Et si va la vie sur cette terre. Les uns partent et les autres viennent. Les uns naissent et les autres meurent. Les uns guérissent et les autres tombent malades. Et si va la vie sur cette terre. La terre demeure terre et Dieu demeure Dieu. Les habitants du monde, comme on l'entendait hier dans la prédication, écoutez la fin des discours, crains Dieu et observe ses commandements, car cela ce qu'il doit faire tout le temps. Et Dieu appellera en jugement, amènera en jugement l'œuvre de chacun, au sujet de ce qui est caché et de ce qui est dévoilé. Les uns partent, les autres viennent. Les uns meurent, les autres naissent. Les uns souffrent, les autres se réjouissent. Les uns fêtent et les autres pleurent. Les uns gémissent et les autres tressaillent. Les uns possèdent et les autres sont démunis. Ainsi va la vie sur terre. Rien n'est si crédible que cela. Tout passera. Tout est vanité. Dieu seul est l'immortel. Dieu seul est l'éternel. Crains Dieu et observe ses commandements. Tout homme doit faire cela. Est-ce que tu as quelle la sagesse? Une génération s'en va, une autre vient. Nous ici, celle qu'on est là, on est une génération. On est dépeuplés les uns après les autres. L'un après l'autre. L'un est parti. L'autre est parti. Est-ce que tu avais vécu tel événement? Oui, j'étais là. Et l'autre, tu avais aussi vécu tel événement? Non, quand ça vous est passé, moi je n'étais pas encore là. Mais il y aura d'autres événements qui viendront après que ce groupe ici ou telle personne, lui, ne verra plus. et à un moment tous ceux qui ont vécu le même événement ne seront plus. Et ceux qui viendront après eux vont raconter ce qu'ils ont appris avant eux. Tout passe et tout est vanité. Les plans, les temps sont pleins de transitions. Rien sur terre n'est immuable. Espère en des choses éternelles. Tiens la main immuable de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas ta priorité, n'est pas écoute, écoute ce que tu tiens à accomplir dans ta vie. Alors, comme un roseau agité par le vent. Un petit rien va te secouer et tu perdras les pédales. La stabilité du croyant est dans la parole qui demeure éternellement. Les cieux et la terre passeront. Et la parole de notre Seigneur demeure éternellement. Elle n'est pas à jamais. Appuyez-vous sur la parole du Seigneur. Nous à la parole du Seigneur. Que sa volonté soit faite sur la terre. Il n'y a rien par hasard. Il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Et ton cœur a dit amen. Pour tout ce qui est venu, tout ce qui vient et tout ce qui viendra, que la gloire revienne à notre Dieu. Job, l'homme juste et sage, l'homme parfait et intègre, a été secoué par des événements douloureux. Il a perdu tous ses enfants et tous ses travailleurs presque en un jour. Et lorsque le dernier des ouvriers est venu lui annoncer la mort subite de tous ses enfants, alors là nous voyons Job se lever. Et Job 1 que nous avons le verset 20 à nous. Oui. Il a dit, alors Job se leva, déchira son manteau. Il rasa la tête. Et se jetant par terre. Il se prosterna. Fukamaki. Alors, ami boaki na mabele, bongo sima ango mameli. Voilà comment les événements de la terre peuvent nous agiter. Stabilité se trouve qu'en Dieu. Si tu perds l'équilibre, tu attrapes des vertiges, tu attrapes des troubles, tu ne sais plus qui est passé. Mais le point final doit être ton Dieu. Amen. Je pense que nous apprenons la sagesse. Ne perds jamais les pédales. Le corps peut s'agiter. Il peut se retourner. Il peut se rouler par terre. Mais au final, adore Dieu. Car il n'y a rien par hasard. Il est celui qui tient les événements. Et en lui, il n'y a aucune fraude, aucune injustice. Tout ce que Dieu fait est bien fait. Et dites-le à ton voisin, tout ce que Dieu fait est bien fait. Mais répète-lui encore qu'il entende bien. Tout ce que Dieu fait est bien fait. Il n'y a rien d'injuste en Dieu. Aucune injustice. Rien à redresser. Rien à corriger. Rien à redire. Tout ce que Dieu dit est bien dit. Tout ce que Dieu fait est bien fait. Que la gloire lui soit rendue. D'accord. Après avoir perdu l'équilibre, on lui donne les nouvelles. Vérité, j'y s'élève. Et puis, déchire les vêtements. Et puis, partez faux. Mais au final, il se prosterne. Voyez-vous la succession? La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Les chocs peuvent frapper nos corps. Et le corps peut réagir de façon incontrôlée. Mais l'esprit croit en être vivant. L'esprit reconnaît l'existence de Dieu. Que ta foi ne défaille jamais. Que ta foi te soutienne dans les épreuves. Que ta foi redresse tes pas. Et que ta foi maîtrise tes émotions. Amen, amen, amen. Et quand il va se mettre à parler, ce ne seront pas des paroles insensées. Oh, l'issue mon ingan est là. Oh, ma venu il boye. Zamba koukotika ma gamba boye, belle boye, nini nini. Car n'a moutou moko, n'a yon gala pas si boye. Oh, y'a preuve kuna, oh, y'a l'anda kuna. Non, Job n'a pas parlé en essence. Son langage était contrôlé. Et je vais les premières paroles qui sortent, que ceci soit un modèle pour toi. Quel que soit le choc, la douleur qui viendra. Quel que soit la mauvaise nouvelle que tu apprendras. Quel que soit le malheur qui peut frapper ta famille, ta maison. Rendons grâce au Seigneur. Glorifions Dieu en tout. Et bénissons son Seigneur. Parce que frère et soeur, tu le feras. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Quelle précision! Il n'a pas attrapé la folie. Mais il a dit précisément et exactement ce qu'il y a, ses origines et sa finalité. Ici sur terre. Aloba qui prenant la siki oezali. Il était sorti nu. Abima qui du ventre de sa mère. Et il dit qu'il rentrera nu dans le ventre de la terre. Aloba qui lui sous à cause de la bolumbu na libu mama de oyo. Tel est le résumé parcours de chacun de nous. Excepté les prédestinés qui ne passeront pas par la mort. Enoch, le septième après Adam. Et les vainqueurs survivants de l'âge de la Odyssée. Que l'enlèvement au ciel trouvera vivant sur terre. En dehors de ceux-là, tu y es sorti ni du ventre de ta mère, et tu retourneras nuit dans le ventre de la terre. Tu n'as rien emporté dans ce monde, et tu partiras maître et pour rentrer dans le ventre de la terre. Que l'arrogance et l'orgueil ne t'embrouillent jamais. Que la fantardise ne dérouse jamais ta bouche. Quelque chose que tu possèdes et ce que tu n'as pas. Parce que tout vient de Dieu. De qui nous dépendons. Et pas là. C'est celui qui dit amen avec fierté. Tout vient de Dieu, de qui nous dépendons. Bilobela tinate. Amen. Komi komisa tinate. Ozate ma, ozade nde mabele, okozonga pena mabele. Amen. C'est tout ce qu'il y a là. Nous sommes des amis. Je suis sorti ni du sein de ma mère. Et lui, je retournerai dans le sein de la terre. Alors, l'Éternel a donné. Mais Yahweh a fait ça. Et l'Éternel a osé. Yahweh, que le nom de l'Éternel soit béni. Comme Yahweh et Pambolama. Awe licite au Genan Gomona Bilonga Bidembe Yabana Naye. Mais il a béni d'abord le Seigneur. A Pambola qui n'a encore. Yo tango sa mamatan de Yaka, Oueli Sakosalani. Ozaka Mama Kosambelanan. Kokoubi Salam Zambenayo. Sangamatange, papa Koufi, Mama Koufi. Eh Ngaye, eh Mama Mounoué, eh Ngaye. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? C'est d'abord à ton Dieu que tu parles. pour être sous la bonne, le bon contrôle. Pour être au lambe la maman lambe. Sous la bonne conduite. Na sea kukamba maman lambe. Job est notre exemple là. Yobo amene. Quel que soit le choc et la douleur. Atako passe en gore longeri. Il faut que l'esprit domine la chair. Espengeli molimo eko. Il faut que la foi domine les émotions. Espengeli que la foi domine les sentiments chanels. Ete ko mbima eko kona. Amen, amen. Posta ya mbizo. Dieu est d'abord. Zambe nanu. Moment de prière. Tant la maman de avant tout. Les bossons annonce. Que le nom de l'Éternel soit béni. Comment est-ce que Pambo Lama? Il s'est prosterné. Agumamin. Que Dieu soit béni. Dama Pambo Lama. C'est ce que nous devons faire nous aussi. Yamone, tout ce qui a été écrit là a été pour notre instruction. C'est pour nous aider, nous qui sommes arrivés au temps de la fin. On ne peut pas commettre les mêmes erreurs que ceux d'autrefois. Mais à mieux vaincre les tentations, les épreuves que nous affrontons. Alors il est écrit que dans tout cela, Job ne pécha point. Alors que les malheurs pouvaient être très tentants. Le nombre de malheurs et les mauvaises nouvelles successives en cascade. Mais c'était susceptible de faire tomber quelqu'un dans le mal. Lâcher une mauvaise parole par la bouche. Ça c'est quand même trop. Oh, mais Dieu aussi c'est quoi finalement? Et dans tout cela, Nanusuana. Job ne pécha pas. Mais qui de nous ici au temps de la fin a déjà rencontré les épreuves de Job? Lève les doigts ici dans le père de cet enfant et tous sont morts le même jour. Et les travailleurs multiples, des ânes, des bœufs, dont la valeur financière dépassait les milliards. Job était milliardaire. Mais il est devenu un pauvre en un jour. De quoi le diable est capable? Hein? Ce qui fait des fois l'orgueil de l'homme. Je possède ceci, je possède. Mais tout peut partir en un jour. Satan, ton ennemi, peut attaquer ça et Dieu peut le permettre. Ne sois pas distrait. Si toi, tout ça part, qu'est-ce que je deviendrai? On n'arrive plus à regarder les gens au visage. Ta vie ne dépend pas de ce que tu as. Ta vie dépend de la parole de Dieu et de ta foi. Qu'il en soit ainsi chaque jour. Dis-toi un peu mon frère et ma soeur, si Dieu me confisquait tout ce que je possède, serais-je vraiment un croyant fervent toujours? Mais les plus beaux habits. Les chaussures, tu es parti. On ne te laisse rien. Même pas une paire de chaussettes. On ne sait même pas par où commencer. Parce que même le peu d'argent qui était là, il parti. Et que le même jour, on t'apprend que Moussa Lano Koufi. Tu es licencié. Le même jour. Tu ne peux plus avoir un revenu. Le même jour, tu apprends que les membres de ta famille, ceux sur qui, à qui tu pouvais recourir pour ne faire qu'un petit dépannage, tous sont tombés morts de crise cardiaque. Seras-tu toujours un croyant zélé et fervent? Seras-tu fréquent à l'église? As-tu dit régulier? Et zélé comme auparavant? Ou bien ton zèle est motivé par les biens matériels? Ou ton zèle est motivé par la garantie alimentaire? Comme tu as l'assurance qu'à manger tu n'en manqueras pas aujourd'hui, alors tu as quand même le zèle. Mais si tu es noir, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger après ceci ni quoi. Ah. Que Dieu nous aide. Hein? il ne faut pas que notre foi soit motivée par des biens matériels. Que notre zèle ne dépende pas de ce que nous possédons. Nous sommes venus sur terre nus. Et nous la quitterons nus. Dites amen. Que la crainte de Dieu marque nos cœurs. Que la sagesse marque notre langage. Que chaque jour, la crainte de Dieu soit notre vie. Nous dépendons absolument de lui. Job ne prêcha point dans tout cela, mais il n'attribua à Dieu rien d'injuste. Même pas l'idée de penser que Dieu ait été momentanément injuste. Et vous ne pensez que pendant 3 secondes, Dieu a été injuste. Il n'aurait pas remarqué les bienfaits qu'il a accomplis. Pourtant, lui n'a jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Mais pourquoi Dieu qui est injuste peut me laisser moi qui n'a jamais aucune mauvaise intention contre qui que ce soit, me laisser moi accueillir beaucoup de malheurs comme ça à la fois. Dieu n'est jamais injuste. Même pas un instant. Dieu est le juste d'après la signification du mot juste. Il est la référence du juste. C'est celui qui croit des femmes. Et parfois sa parole, nous ne la comprenons pas. Nous prenons les choses de travers et nous avons des malentendus. Mais mes chers amis, il ne faut pas nous affaiblir comme cela. Soyons forts par la grâce de Dieu. Regardez, dans les sermons, la puissance de Dieu pour la transformation. Les 11 septembre 1965, je prends le paragraphe 32 et 33. Et j'ai dit cela, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Mais quelques-uns d'entre vous peuvent être un peu embrouillés. Spécialement quelques-uns là dans le sud, il semble trouver un peu confus le message de Dieu sur la semence du serpent. Et j'apporte aujourd'hui aux gens. Il trouve ça confus, le message de Dieu sur la semence du serpent. Mais Dieu voulant, j'irai chez moi un de ces jours, à Jeffersonville. Je désire apporter un message d'environ 6 heures, afin de tirer tout cela au clair. Il prépare un enseignement de 6 heures d'affilée. Il devait donner à des personnes vives. Là, c'est en septembre 1965. En 3 mois avant qu'il ne quitte cette terre. Mais j'étais de prendre un serment de 6 heures d'affilée. J'ai apporté un message d'environ 6 heures. Afin de tirer tout cela au clair. Il ne savait pas qu'il n'allait pas terminer cette année, la 1965. Il annonce son programme à la chair, avec il compte aller faire à des personnes villes, son église maison, il ne savait pas qu'il n'avait pas plus de 3 mois sur terre encore. Il y a des choses que Dieu cache, mais il vous laisse vous exprimer. Quand lui décide, personne ne doit respecter, ni bouder, ni contester. En Dieu, il n'y a rien d'injuste. Il a permis que son prophète dise ça. Son message de 6 heures est venu quand? Cherchez-les dans les 3 mois là. Moi je n'en ai pas encore trouvé. Si vous voulez trouver, venez m'édifier. Un message de 6 heures pour tirer tout cela au clair. Dieu montre que l'homme reste l'homme, il est limité. Seul Dieu est limité. Il seul est infini. Voyez bien aimé. Et j'ai décidé d'apporter mes messages environ 6 heures. Afin de tirer tout cela au crayon. Afin de bien présenter cela. Pour que vous compreniez ce dont nous parlons. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Non, c'est pas le message des 6 heures qui est annoncé comme ainsi dit le Seigneur. Mais c'est le message de la semence des serpents et l'ensemble des doctrines qu'il a prêchées dans son message qui sont ainsi dit le Seigneur. Et validité a été au Yanouba qui a copié tant que Wana Motoba et Zalaki Boye Elodin Kolo. Kasi, l'idée à Mumboto Yanoukande Zalaki Boye Elodin Kolo. Et puis l'ensemble des doctrines que son message nous a présenté. C'est la parole du Seigneur. C'est aussi vrai que lorsque j'ai vu notre sœur Florence Chakriane, plusieurs années avant que ne s'en aille. Vous voyez, c'est la vérité. Le Seigneur a montré sœur Florence Chakriane partant. Une prophétie d'une pentecôtiste est venue dire non. Mais la sœur Chakriane Florence est partie. Aux environs des heures annoncées par le prophète Branham. Et la prophétie de la sœur pentecôtiste donnée avec pompe dans l'assemblée était une fausse prophétie. Qui était venu seulement concurrencer le message donné par le prophète qui était le véritable. Et se met les troubles dans les enfants de Dieu pour rien. Dieu a montré au prophète William Branham des années avant le départ de notre sœur Florence Chakriane. Mais il a caché le départ de frère Branham à frère Branham au courant de l'année où il annonçait 6 heures de prédication. Il lui a montré avec précision ce qui concernait quelqu'un d'autre. Mais il lui a caché ce qui concernait lui-même. Jusque 3 mois avant, lui continue à annoncer l'enseignement de 6 heures. Mais Dieu l'a retiré. Il l'a retiré de la fête. Parce qu'il savait qu'il allait placer des ministères, que les enseignements seront clarifiés pour les élus. Il dit Amen. Il avait déjà prévu d'établir correctement des ministères. Dans l'église. Et à bon dieu, ça qui veut dire ce qu'on a pour le faire. Pour le sache enseigner en détail. L'église de cet âge. Vous devez les écouter. Quand il présente le message. Fidèlement. Sans déformation ni falsification. Le message original. Vous comprenez que le don, Dieu peut vous le donner, mais ce n'est pas pour vous-même. Sœur Chakriane. Continue à s'attendre à Dieu. C'est juste au courant du voyage là. Comme nous rapporte le témoignage. Pendant qu'ils étaient en train de retourner vers Jeffersonville. En décembre 1965. Ils sont venus pour aller prêcher le message de Noël. C'est Noël. Et là, ils se sont arrêtés dans une cafétéria. Pendant qu'ils prenaient la tasse de café, son fils Billy Paul a constaté un changement sur son visage. Le genre de scène qui se produit quand Frère Branham a une grande vision. Alors, son fils cadet, Joseph, qui voyageait avec lui et sa mère à bord de sa voiture que lui frère Branham conduisait. Ils ont quitté la cafétéria. Il a demandé expressément que Joseph aille dans la voiture de son frère Billy. Ils se sont pris avec les parents. Ils ont pris alors, ils ont repris le volant. Billy Paul devant. Billy Paul de Bosson. Frère Branham derrière. Billy Paul avec Joseph. Pourtant, auparavant, les autres âgés, Joseph était avec Sœur Meda et Frère Branham dans la voiture que conduisait Frère Branham. Joseph il est pour la témoigner que le visage de son père était devenu grave. Dans la famille là-bas. Ils avancent. Il dit à Billy Paul d'aller devant. Ils avancent. Billy regardait de temps en temps dans les rétroviseurs. Il voit les phares, la vieille Ford de son père. Donc, il savait qu'il faut qu'elle était fibrisée pour lui. Il a amorcé un virage. Il allait. Il a entendu un crash. Il avance encore. Après un temps, il regarde le proviseur. Il a pris le phare de la vieille idée. Il retourne. C'était déjà un accident fracassé. En pleine nuit. Frère Branham là-bas dans les ferrailles. Les jambes broyées. Vous ne pouvez plus se tenir debout comme ça pressé. Mais il respire encore. Alors, à un moment, il a identifié son fils. Il entendait sa femme à côté qui gémissait, mais lui n'avait pas la force d'aller mettre la main. Ils étaient tous pris là-bas dans l'accident. Et alors, il dit à Billy, prends la main sur maman. Et Billy Paul prend la main de Branham. Il pose sur Sœur Meda. Sœur Meda s'est rétablie. Sœur Meda a dit madame. Mais Branham reste dans les années. Les dons, ce n'est pas pour vous-même. C'est pour l'utilité commune. Comprenez ça. Sœur Meda a survécu et il est décédé en 1981. 16 ans après. Le frère Branham, après cet accident, est mort. Lui qui avait les dons et le grave ministère. Mais la rescapée Meda est restée vivante 16 ans encore. Les voies de Dieu sont insondables. Dans tout cela, nous n'attribuons à Dieu rien d'injuste. Toi aussi, Yopé, gloire à Dieu. Je continue à lire ici. Et maintenant, peut-être que c'est mal compris. Si quelqu'un venait vers moi avec quelque chose de contraire, je le comprendrais peut-être mal. Moi-même. Je ne voudrais pas critiquer ce que quelqu'un dit. Nous ne devons pas nous critiquer les uns les autres. Je ne suis pas coupable de cela. Je remercie le Seigneur. Nous ne devons pas nous critiquer les uns les autres. Est-ce que les frères peuvent chacun dire amen? Toi-même, tu sais combien de fois tu as critiqué tes frères, membres de cette église. Est-ce que tu as ici? Comment il a critiqué? Nous n'avons pas les droits de nous critiquer les amis. Vous les faire, même chose. Nous ne sommes pas les droits de nous critiquer les amis. Disons amen. Quand vous ne le faites pas, vous n'êtes pas spirituel. Vous êtes trop charnel et hypocrite. Vous n'êtes pas crédible devant Dieu. Une personne à qui Dieu peut faire confiance. Hypocrite. Je ne voudrais pas critiquer ce que quelqu'un dit. Va vers lui. Au lieu de critiquer ce qu'il dit, va vers lui. Montre-lui son erreur. Arrêtez avec lui et réglez l'affaire. Nous ne devons pas nous critiquer les uns les autres. Je ne suis pas coupable de cela. Je remercie le Seigneur. Toi aussi, tu es coupable de cela ou tu n'es pas coupable de cela? D'avoir critiqué quelqu'un, un frère, une soeur. Interrogez votre cœur. Son âme de lui n'est pas coupable de ça. Et pour ça, il remercie le Seigneur. Je réprimande le péché et l'incrédulité. Mais pas l'individu. Je ne le fais pas. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous combattons. Nous allons là où sœur Florence Chakarian est allée hier matin. Notre sœur croyante est partie, Dieu a annoncé son départ, mais là où elle est partie là, avant nous, c'est là où nous partirons aussi. Nous ne sommes pas les juges pour envoyer les gens en enfer. Mais nous avons l'espérance pour espérer qu'ils sont sauvés. Et dire de leur bien. Amen. Amen. Que Dieu nous aide chaque jour. Nous combattons. Nous allons là où sœur Florence Chakarian est allée hier matin. Nous pourrions dire ce soir que nous allons là où notre frère Edouard Mukulumani est allé le 20 octobre dernier. Mais il a quitté le champ de bataille. Il est parti. Nous irons aussi là quand notre temps sonnera. Mais pendant le sommeil, nous continuons à combattre. Et pendant que nous combattons, ne nous critiquons pas les seuls et les autres. Critiquer, c'est perdre sa victoire. Critiquer, c'est être vaincu par le diable. Ne le faites pas, frères et sœurs. Dites du bien de vos frères. On m'a dit que mon âme, la meilleure manière chrétienne que je connaisse, c'est de cacher tout ce que vous connaissez de mal sur votre frère ou votre sœur. Ne parlez pas de ces mauvaises actions. Dites seulement ces bonnes choses. Si vous n'avez rien de bon à dire à son sujet, alors taisez-vous de son nom. Voilà votre message. Ce n'est pas une vie d'hypocrite. Avec les apparences de la sainteté, mais les rongeurs dans le mal, des petits rats et des souris qui rongent la réputation des frères. C'est faux. Vous devez vous répentir. Laissez-moi vous dire, vous devez vous répentir de chaque parole mauvaise qui sort de votre bouche. Ce n'est pas mon but d'essayer de critiquer un frère ou une soeur. Il ne voudra pas s'accorder avec nous. Non, laissez-moi de faire cela. Je ne pense pas que vous puissiez jamais trouver une bande où j'ai jamais cité le nom de quelqu'un. En effet, bien des fois, j'ai trouvé qu'une personne était dans l'erreur. Mais ça c'est entre elle et Dieu. Mais ce qui est faux, ce qui est considéré comme le malentendu, parfois ce n'est même pas le péché. Mais c'est juste un malentendu. De la part des gens. Et à cause des malentendus, on se met à critiquer les événements. Dites, quel péché t'elle a commis? Il n'y a aucun péché. Juste parce qu'il y a l'incompréhension entre vous. C'est faux! Nous devons nous répandre. Craignons Dieu que notre langue. Respectons nos frères et sœurs. Ce qui est faux, ce qui est considéré comme des malentendus. Parfois, ce n'est même pas le péché. Mais c'est juste un malentendu de la part des gens. Et je pense que chacun de nous a les droits de s'exprimer selon son entendement. Mais ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas qu'il faut vous mettre à vous critiquer les gens. Ce comportement est diabolique. Nous devons revenir en manière chrétienne. Moi, si un frère vient pour te parler du mal, fais-le taire. Tu as le devoir d'être le seul de la terre, comme on entendait hier. Il doit arrêter la pourriture. Stopper la pourriture. Lui interdire de t'essuyer. C'est amen. Voulons, voulons-nous revenir à notre identité de frère l'ancien monde? Oui frère, nous sommes dans un combat. Pour vaincre, nous devons garder la parole. Nous devons pratiquer cette principe de la parole du mieux que nous les savons. Et Dieu nous aide à tout instant. Les uns partent, les autres viennent. Les uns meurent, les autres naissent. Les autres tombent malades, les uns guérissent de maladies. Ainsi va la vie sur la terre. Une génération s'en va, une autre vient. Mais la terre existe toujours. Oh bien-aimé, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons l'évangile. Combattons le bon combat de la foi. Et honorons le principe de notre foi. Nous disons amen. L'Écriture a dit dans Proverbe 24. Là. On a lu le verset 13 jusqu'au verset 22. Mon fils boit du miel. Car il est bon. Un rayon de miel. Donc sera doux pour ton cœur. Qui dit amen. C'est la parole. Hein? Maintenant, qui de vous boit du miel ici? Levez un peu les doigts. Qui boit du miel? Ah, il y en a. Donc quand vous buvez du miel, pour vous, c'est pas comme le reste de mon air. Pour vous, c'est la vie de la parole. Ça doit signifier. Quand vous prenez du miel, pour vous, c'est l'obéissance à la parole. Et pour les gens du monde, soyez bien pensés comme un angor. Mais la camille, au litre, ils ont anti-poison. Quand on prend un poison, donc on peut prendre une bouteille à miel, un bidon à miel, miel, non. Nous, nous les vivons parce que la parole nous a dit de les boire. Et la Bible dit qu'il est bon. Il dit qu'il est bon. Mon fils boit du miel car il est bon. Moi, je suis là. Ndambi ezali elengi. Oui, prends du miel. Zoa, de temps en temps, prends du miel. Mais pourquoi tu le prends? Tu crées le poisson? Non. Le Seigneur a dit que ceux qui croient, s'ils prennent quelques breuvages mortels, il restera pas de mal. Mais la parole dit que le miel est bon. Un rayon de miel est là. Il sera doux. C'est quelque chose de bien. Et pour vous là, vous allez voir, n'étendez pas des ambitions avec légèreté à la maison du juste. Non, il y a un Dieu là-haut qui voit tout ce que vous faites. Et il dit ceci, nous reprenons au Proverbe 24, verset 13 suivant. Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. Mwanangai mela mafuta ya nzoi Nzambi ezalie lengi mpe ndako na mafuta ya nzoi ekozala matamu pona mutema na yo un rayon de miel sera doux à ton palais et de même connais la sagesse pour ton âme et si tu la trouves il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. C'est valable pour ta foi. Tu réalises vraiment que Dieu est édifié avec ça. Pourquoi les gens peuvent être certains de leur espérance, mais toi quand tu as l'espérance, ça ne sera pas néanti, ça ne sera pas différent, mais ça sera palpé. Ça sera réalisé. N'étant pas méchamment des ambitions à la demeure du juste. Et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car cette fois le juste tombe, il se relève. Et tu dois protéger le serviteur de nous. Il est tombé, qui se relève, cela ne te regarde pas, mais ça regarde son maître. Mais le Seigneur a le pouvoir de l'enfermer. Ayez de la réserve dans votre habileté à critiquer les gens. Le juste peut tomber cette fois, mais il va se relever. Sachez qu'il a un Seigneur tout puissant. Il a la force pour le fortifier. Pour l'affermir. Et réduire ses faiblesses. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse. Quand il chancelle. Pourquoi? De peur que l'Éternel le voie et que cela ne lui déplaise et qu'il détourne de lui sa colère. Quand celui que tu appelles ton ennemi tombe, il chancelle, toi ne te réjouis pas. Tu dois plutôt compatir. Vous savez, il y avait deux personnes dans la Bible, David et Saoul. Vous savez ce qui s'est passé? Saoul il a fait de David son ennemi parce qu'il avait appris qu'il a reçu l'onction royale. Pour les remplacer au trône. Comme vous savez, en politique, il n'y a pas de cadeau. C'est lui qui veut votre poste, vous serez prêt à l'éliminer physiquement. Voilà les politiciens. Même quand ils disent qu'ils sont des frères, soit des années de nouveau, méfiez-vous. En politique, c'est des coups de malice. Dans la politique, Saoul ayant appris que David a reçu l'onction royale, il ne dormait plus en paix. David a joué qui est pas croyable. Il est arrivé à la porte de David, à couper les capas. Mais il avait oublié qu'il y a un Dieu qui donne le pouvoir. Lui n'était pas le roi. Il était né un profane. Il a reçu royauté à un moment de sa vie. Si tu as reçu quelque chose qui a eu un commencement, ne souffre pas de savoir que ça aura une fin. C'est Dieu qui donne et de lui seul que nous dépendons. Mais Saoul ne voulait pas entendre l'idée que le pouvoir le guide. Saoul, il s'est accroché, il a pris le goût du pouvoir. Mais Dieu qui avait donné le pouvoir avait choisi quelqu'un d'autre à sa place. Où est ton problème? Il en a fait son ennemi. Mais Saoul avait un fils. Son nom c'était Jonathan. Jonathan et David ont loué une alliance. Des amis par alliance. Et Jonathan s'est engagé à livrer les secrets, les informations sensibles touchant la sécurité de David qui vont venir de la part de son père Saoul. Vous voyez, quand Dieu vous tient dans sa main, il fera concourir toutes choses à votre bien. Même votre sécurité viendra de lui. Ne craignez ni les ennemis, ni vos adversaires. Ni leurs langages, ni leurs discours, parce que Dieu s'en occupera. Saoul a cherché à tuer David. Saoul a loué à quelqu'un. Vous avez l'histoire dans 2 Samuel chapitre 1. Bozaline a lissé l'ango na mukanda Samuel ni bali. Vous prenez le verset 1 jusqu'à 16. Na mulongo ali bosoki na mulongo tukumele na sambo. Vous prenez le verset 1 à 16. Tango konzo mulongo ali bosoki na zoto. Vous voyez la situation de la mort. Zan likambo yaliwa. De Saoul. Et le sort que David a réservé à celui qui est venu lui annoncer qu'il a achevé Saoul. Il a fait tuer. Nanifuti, imagine-toi. Quelqu'un vient t'annoncer d'après lui une bonne nouvelle comme quoi, c'est lui qui voulait ta mort, moi je l'ai tué. Il m'a demandé de lui couper la tête. David ordonne que c'est là où on lui coupe la tête. Parce que tu as porté la main sur un roi de l'Éternel. Est-ce que David réfléchissait? Si cet homme était capable de prendre son épée, couper la tête de Saoul, malgré l'onction royale qu'il avait, il ne sera pas incapable de prendre son épée, mais couper ma tête à moi aussi, quand je serai roi. Ne soyez jamais naïf dans votre vie. Ne faut pas fléchir devant le flatteur. Acquérez la sagesse, frère. C'est lui qui se montre là. Et vous aurez rendu service en tuant votre ennemi. Qu'est-ce qu'il a besoin de vous achever vous-même? Parce qu'il est capable de tuer quelqu'un. Méfiez-vous. Maintenant, il a fait tuer. Maintenant, après avoir confirmé donc la nouvelle du décès de Saoul et son fils Jonathan, ils sont tombés morts au front. Chapitre 1, verset 17-27, vous trouvez David a composé un cantique funèbre. Comment était David Jonathan, son fils. Quel talent! C'est lui qui vous a combattu à mort. Qui vous a poussé à l'exil hors du territoire d'Israël. Qui vous a menacé jour et nuit. Vous apprenez qu'il est mort. Vous posez un cantique funèbre à son honneur. Et ceux qui l'ont achevé, vous leur destinez le même sort de la mort. Voilà le type d'un cœur régénéré. L'exemple d'un cœur né de nouveau. Il n'a pas d'inimitié. Il n'est pas rancunier. Il n'est pas revanchard. Il voudra faire du bien même à ceux qui nous ont fait du mal. Il dit Amen. Amen. Ne cherchez pas à faire du mal aux gens. Parce qu'ils vous ont fait du mal. Rendez du bien à ceux qui ont fait du mal. C'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Tous nous sommes passés sur la terre. Vous dites Amen. Amen. Vous apprenez la sagesse. Examinez votre cœur pour voir s'il est né de nouveau. C'est cela qui vous faut du mal. Et vous faire du bien. Vous apprenez qu'ils sont morts. Vous pouvez composer un cantique funèbre. En leur honneur, David l'a fait. Et nous, que faisons-nous? Que Dieu nous aide. Frère, que Dieu t'aide. Ma soeur, que Dieu t'aide. L'église de Dieu, que Dieu nous aide. Que la vie chrétienne soit l'expérience convaincante. Pas trop de discours. La vie que tu mènes, elle soit une prédication pour les autres. Tu vas dire Amen. Tout homme normal, tout homme qui se respecte, il fait se battre pour les droits qu'il a reçus de Dieu. Mais respectez aussi les droits des autres. Ils sont libres de s'exprimer selon leur entendement. Mais n'allez pas tuer les gens injustement. C'est permis ici la brèche entre les sept dans l'église et les sept. N'allez pas tuer les gens injustement. Litea, katika litea ekliza sambo, katika tete yangu na mkuu wa zamina sambo. Paragraph 57 à 59. Mulongo ya mukama. Quand l'Indien tuait un bison, tangoni la buma ki. Il y avait une cérémonie religieuse. Zalakina elamba moko ya bison. Il prenait les sabots du bison. Wana kuzwa makolo. Et il les gardait pour en faire des casseroles. Pe baboni yangu pona kusala. Ils en mangeaient la viande. Wana kulia. Et même la viande des entrailles. Il prenait toute la viande et il a suspendu pour la faire sécher. Il faisait sécher la peau Babanda ko kausa. Et ils ont besoin de vêtements et de temps. Pe kosala yango bilamba. Mais quand l'homme blanc est arrivé, ango mundira yaki. Le renégat, c'est l'homme blanc. Wana kotela zalimbunda. Le scélérat, c'est lui. Alors il est arrivé, il a terminé ses maisons. Et il a affamé les Indiens. Tout homme qui se respecte s'est battu pour défendre les droits qu'il a reçus de Dieu. Quand quelqu'un se bat pour ses droits, n'a fait pas fausse ennemi. Les droits restent droits et ils sont droits pour celui qui a encore la valeur. Un droit doit être revendiqué. Sinon, ce n'a pas de sens d'être appelé un droit. Et un homme et une femme se bat pour les droits qu'il a reçus, vous ne les jalousez pas. Mais en fait, ni votre adversaire, ni votre ennemi. Reconnaissez que ce sont ses droits. Et il est libre de se battre pour cela. Vous dites amen. David a reçu l'onction royale. C'est normal qu'il se batte et défende cela. Mais pourquoi sérieux la chrétien a il n'est pas allé arracher l'onction par sa force. Mais c'est Dieu qui a posé son sang sur sa personne. Pourquoi le combattre les jalousies? C'est un droit que Dieu lui a donné. Êtes-vous là? C'est exactement ça. Tout homme qui se respecte se battre pour défendre les droits qu'il a reçus de Dieu. Chacun libre de s'exprimer selon son entendement. Mais que vos malentendus, les incompréhensions ne deviennent pas des péchés pour lesquels vous allez voir les éléments. Alors, ce que nous sommes fait à l'Indien et ces Américains-là, ce qu'ils ont fait à l'Indien d'Amérique, c'est une tâche sur les drapeaux américains. Après, le bison appartenait à l'Indien. Mais vous venez parce que vous avez le pouvoir. Vous allez tuer tous les bisons pour affamer les Indiens. Leur privé, leur cérémonie, rituel et tout. C'est une injustice. Soyons corrects. Amen. Parce que vous faites ces choses, vous-même là, vous êtes passagers, comme ceux-là que vous voulez affamer, pour le voir mourir avant leur temps. Nous, l'homme n'est éternel ici-bas. Tu appartiens à une génération qui va s'en aller un jour. Tu appartiens à une génération qui va s'en aller un jour. Une autre viendra à ta suite. Une autre viendra après toi. Et la terre continuera à être terre. Régnons Dieu et pratiquons l'évangile. Ayons la sagesse et l'amour de frère. Comme on l'a entendu hier, l'amour ne fait point du mal au prochain. Ne faites du mal à personne. Même à ceux qui vous font du mal, le Seigneur recommande de leur rendre le bien. Nous chrétiens, nous disons amen. Voulons-nous le faire ce jour? Oui, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous debout pour la prière. Le temps est plein de transitions. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre ne peut rester. Espérons des choses éternelles. Qu'il ne fasse pas, tiens, le meilleur homme de Dieu. Oh mon frère, oh tiens, diable main de Dieu. Oh toi ma soeur, oh tiens, diable main de Dieu. Espérons et espérons des choses éternelles. Qui ne passe pas, tiens, le diable main de Dieu. Crois en Dieu. Crois en Dieu qui ne t'abandonne. Quoi qu'apportent les années, si les amis, si les amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Oh, alléluia, tiens humble main de Dieu. Oh, mon frère, tiens humble main de Dieu. Espérons des choses éternelles. Une passe pas, tiens humble main de Dieu. Ne convoite pas, les richesses vaines, qui pourrissent rapidement. On doit chercher chez les trésors célestes, qui ne passeront jamais. Oh, alléluia, tiens l'humiliable main de Dieu. Oh, toi, ma sœur, tiens l'humiliable main de Dieu. Espérant des choses éternelles, tiens l'humiliable main de Dieu. Quand s'achèvera ton voyage, à la fin de ton voyage, si tu étais fidèle à Dieu, ton âme est dans la gloire, tu verras une belle demain. Oh, alléluia, tiens l'humiliable main de Dieu. Mes frères, tiens l'humiliable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Alléluia, tiens l'humiliable main de Dieu. Oh mon frère, tiens l'humiliable main de Dieu. Oh toi ma mère, tiens l'humiliable main de Dieu. Et toi papa, espérant des choses éternelles. Amen, tiens l'humiliable main de Dieu. Ils ont chacun un mot de prière. Car gloire, alléluia, gloire, gloire, alléluia, chantons à l'agneau, gloire, gloire, alléluia, que tout soit pour Jésus. À Jésus, gloire, gloire, gloire, alléluia. Gloire à l'agneau, gloire, gloire, alléluia. Chantons en partie, gloire, gloire, alléluia. Oh, que tout soit pour Jésus. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te remercions pour toutes choses. Chaque jour de notre vie, tu es le seul qui change les temps et les circonstances. Tu nous as donné, frère Edouard, Mukulumani, Ferouzi. Tu l'as ôté de la terre. Que ton nom soit béni. Demain, il retournera dans le ventre de la terre. Tel sera aussi l'accomplissement de ta parole. Quand tu avais dit que tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Les uns et les autres partent. Chacun en son tour, en ton temps. Pendant que nous en avons l'occasion sur la terre des vivants, aide mon frère et ma soeur à combattre les combats de la foi. À honorer le principe de l'évangile. À faire de sa vie une prédication pour les autres. Ne jamais rendre le mal pour le mal. Mais toujours rendre le bien, même au mal. Enseigne-nous la sagesse. Délivre-nous de la naïveté. Des émotions qui se laissent flatter. Donne à chacun de nous la personnalité chrétienne. Pour reprendre ce qui doit être repris. Pour réprimander ce qui doit être réprimandé. Mais pour honorer le Seigneur en toutes choses. Même dans les moments de forte douleur. Comme Job l'avait fait. Et comme David a eu à le faire. Seigneur, fais-nous grâce à chacun. Comptons sur toi plus que sur qui que ce soit. Car toi, notre Seigneur Maître, tu as le pouvoir de nous affermir. Exauce notre prière. Et conduis les programmes funéraires. Partout où il y a les enfants réunis. Pour méditer. Réfléchir sur la mort de notre frère, attiste-le et console-nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous prions ici. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.